la misère a le même goût. Révolté des prisons Bastille, le cœur du peuple bat pour vous. Le cœur du peuple bat pour vous. Entendez-vous la voix des prisons, des mutinés de Toul, de Nancy, de Clairvaux, Loos, Amiens, de Nîmes, de Bapaume, Caen, Périgueux, Melun, La Talaudière, Saint-Maur, Arles, de la Santé, des Baumettes, de Fleury-Mérogis, de Lannemezan, Poissy, Bastia, Angers, Tarascon, Perpignan, Pontoise, Muret, Fresnes, Mulhouse, Grenoble, Saint-Michel, Draguignan, Mende, Enzichem, Besançon, Lyon-Saint-Paul, Saint-Joseph, Avignon, Fontevraud, Ajaccio, Hesse, Saint-Martin-de-Ré, Bois-d'Arcy, Angoulême, Évreux, Dieppe, Beauvais, Saintes, Coutances, Mesquelleux, Nantes, Vars, Dijon, Montpellier, Douai, Rouen, Rennes, Pointe-à-Pitre, Tulle, Hermiguen, Béthune, Saint-Mihiel, Colmar, Neuvic-sur-Lille, Remire-Montjoly, en Guyane, Moulin-Yzeure. Cette voix qui crie insurrection. Tous ensemble, tous ensemble, Radio Cayenne. Tous ensemble, Radio Cayenne. Tous ensemble, Radio Cayenne. Tous ensemble, Radio Cayenne. Et oui, c'est toujours Radio Cayenne. Bonsoir, moi je viens de vous rejoindre. Et du coup, en attendant de parler un peu de ce qui s'est passé ces derniers temps autour de Nantes, j'avais envie de vous lire des nouvelles qui nous viennent de Buenos Aires en Argentine, qui ne sont pas des nouvelles très joyeuses, mais qui sont des informations quand même intéressantes à relayer. Et donc je vous lis un texte que je découvre en même temps que vous. Le titre, donc, « Une femme est en prison pour avoir défendu sa fille de 14 ans d'être violée par son mari ». Soledad est prisonnière depuis le dimanche 2 septembre 2018 pour avoir défendu sa fille de 14 ans d'être violée par son beau-père. Après 9 mois de viols conjugaux et de menaces, d'abus et d'agressions explicites à sa fille, Soledad l'a défendue quand son mari a essayé de la violer dans la voiture où ils se trouvaient, les trois, en étranglant son mari avec le cordon de son manteau. Ensuite, elle s'est rendue au commissariat. Voilà. Elle est aujourd'hui au centre en attente de jugement. Damien Vandola règle s'il confirme la prison préventive comme l'a demandé le procureur. Je suis désolée, je pense que c'est traduit et du coup c'est pas toujours parfaitement limpide et exact. Le juge définirait cette situation entre le 1er et le 2 octobre, donc je sais pas après c'est quoi les nouvelles, il faudrait se renseigner de où ça en est, mais c'était du coup en tout début de mois là. Ce qu'a vécu Soledad est un cas de légitime défense établi dans le code pénal. Toutes les conditions qu'exige l'article 34 sont réunies. Elle a défendu sa fille contre une attaque à son intégrité. Cette attaque de son mari envers la jeune personne était une agression illégitime qui n'a pas été provoquée par Soledad, qui elle a défendu de façon rationnelle et nécessaire. Voilà. Voilà. Après ça dit dans le désespoir que la personne ne pouvait recourir qu'à ça dans la situation de désespoir où elle était en utilisant le seul moyen qu'elle avait à sa portée, etc. Voilà, et qu'elle n'a pas cherché à tuer son mari, donc du coup c'est quand même pas normal qu'elle se retrouve emprisonnée pour ça. Donc il est exigé que Soledad, enfin c'est la justice, j'ai l'impression qu'il demande ça, comme pour la majorité des femmes qui se défendent, de répondre de son acte, d'expliquer comment ça se fait qu'elle n'a pas fait descendre sa fille essayer de descendre de la voiture, échapper à son mari. Enfin voilà, il faut qu'elle prouve en fait qu'elle n'a pas pu faire autrement que d'agresser son mari. Il faut qu'elle apporte elle-même les preuves. Voilà. Ce qui est souvent le cas en fait en cas d'agression ici comme ailleurs, on demande souvent en fait aux victimes de se justifier. Donc là, ça explique un peu ça. Je suis désolée, je lis pas le texte parce qu'en fait les phrases sont pas très compréhensibles. Voilà, tac tac tac. Et donc, comme féministes, nous continuons de dénoncer la problématique qui se trouve dans l'interprétation des faits aux mains des procureurs et des juges, qui sont souvent d'ailleurs des mecs cis, et qui traitent les cas dans une perspective de genre. Ouais. Enfin, je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis, mais voilà. Et voilà, du coup, il y a une mobilisation par rapport à ça, par rapport à cette enquête. Et donc, on peut, je pense, trouver des infos avec le hashtag Libertad para Soledad. Voilà. Je vis dans une... Ok. Bonsoir, c'est Nine de retour sur Radio Cayenne. Petit souci technique donc, quant à l'envoi de jingle, mais c'est pas très grave, on va se re-roder. Et après tout, c'est la rentrée. Alors, suite à la copine qui a lu un tract, aussi une autre lecture d'un autre tract pour une autre situation qui s'est également passée en Argentine, à Buenos Aires. C'est l'histoire d'une femme en fait qui est d'une meuf lesbienne qui a subi énormément de harcèlement de par son orientation sexuelle et qui subit en fait la justice et la prison alors que c'est elle la vraie victime, mais je pense que c'est plus parlant que je vous lise le tract directement. Iggy est une meuf lesbienne pauvre de l'agglomération de Buenos Aires, Argentine, qui a été emprisonnée pour s'être défendue, non seulement des attaques de ses agresseurs, transformées en victimes, mais aussi d'une série d'attaques systématiques de lesbo-haine. Pendant des années, Iggy a été harcelée pour le fait d'être lesbienne. Elle a enduré toutes les violences et abus possibles. Maltraitance physique, psychologique, insultes, voie libre aux violences de n'importe qui, surtout dans les espaces publics. Iggy a vécu des agressions, acharnement des violents du quartier où elle vivait, des attaques de différentes formes et à n'importe quel moment. Sa maison a été brûlée, elle a été persécutée et harcelée, non seulement elle, mais aussi sa famille et ses amis. Le 16 octobre 2016, Iggy est attaquée dans une tentative de viol correctif punitif, oui. Elle est frappée par les mêmes personnes du quartier qui exerçaient des violences contre elle sur le fait d'être lesbienne. Il lui disait, c'est assez violent les propos qui vont suivre, je préviens. Il lui disait, lesbienne de merde, maintenant tu vas savoir ce que c'est que d'être une femme. Ils ont essayé de la violer, et au moment où elle réussit à freiner l'homme qui lui arrache ses vêtements et ses sous-vêtements, elle est frappée par le reste des personnes qui font preuve de violence envers elle, et ce jusqu'à en perdre connaissance. Elle est déjà évanouie à cause des coups, quand arrive la police locale de San Miguel, qui la transporte au commissariat de Bella Vista, où elle est brimée de nouveau. Ils n'ont pas respecté ses droits à être assistée d'un médecin en la laissant gravement blessée dans une cellule et l'ont obligée à se déclarer sans avocat. Dans cette même institution, elle a été agressée physiquement et psychologiquement par les officiers du commissariat. Les irrégularités de procédure en mode châtiment de la plupart des officiers ont signifié la perte de preuves qui aujourd'hui font obstacle dans la cause. Je pense que c'est plutôt le cas, le dossier et l'enquête. Le cas de Iggy est un reflet cru de la réalité que vivent beaucoup de femmes, lesbiennes et pauvres. Les oppressions de la part de l'État sont nombreuses et multiples. État qui nous persécute et nous enferme dans une tentative de modeler, corriger et, s'il le faut, de nous faire disparaître. Aujourd'hui, Iggy est chez elle et cela a été possible par l'organisation et la mobilisation de tous les secteurs politiques. Par le mouvement de lesbiennes, gays, trans et travestis, les dissidents, le mouvement des femmes dans son ensemble, les organismes pour la défense des droits humains, les organisations sociales et partis politiques, tout cela a permis sa libération. Mais le combat n'est pas terminé car Iggy est toujours inculpé. Cela veut dire qu'une première bataille a été gagnée, mais il reste la plus importante. Les dates du procès ont été fixées du 23 au 26 avril 2019 au tribunal numéro 7 de San Martin. La justice cherche à la juger sans prendre en compte les attaques reçues précédemment et la légitime défense de sa vie et de son intégrité physique qu'elle a menée au moment des faits. Face à cela, nous appelons à toutes et à tous à renforcer la campagne et le soutien pour sa relaxe. Ensuite, il y a le track qui se conclut par Yo también me defendería como Iggy, ce qui veut dire moi aussi, je me défendrai comme l'a fait Iggy, sous-entendu si cela m'arrivait. Attaquer pour être une lesbienne pauvre, prisonnière pour s'être défendue, ça suffit les crimes de haine envers les lesbiennes, les personnes trans et les personnes travesties. Abat le système capitaliste hétéronormatif et patriarcal. Pour la séparation de l'Église et de l'État, l'État est responsable. Et justement, il y a des liens aussi pour s'informer plus sur Iggy, sur cette femme-là. Notamment un lien Facebook qui s'appelle Campaña por la Absolución de Iggy, un Instagram qui s'appelle Absolución Iggy, et également un Twitter qui s'appelle aussi Absolution Iggy. Et on vous fera un petit post, notamment sur Facebook, pour vous mettre les liens de ce dont on vient de parler. Si jamais vous avez envie de vous informer un peu plus sur la situation, et éventuellement d'envoyer des petits messages de soutien, il y a sans doute une caisse, quelque chose comme ça. Voilà. Après ces informations sur des camarades meufs qui s'en prennent plein la tronche en Argentine, on va peut-être passer un petit peu de musique.